mais nous allons partager la parole de Dieu, c'est ce qui est essentiel cet après-midi. Nous allons partager la parole de Dieu, c'est ce qui est essentiel cet après-midi. Je voudrais aussi exprimer ma reconnaissance et vous dire merci pour m'avoir invité pour ces moments de partage de la parole de Dieu. Donc, aux membres du conseil paroissial, je vous remercie pour m'avoir invité. Mais je dois tout de suite vous dire qu'en venant ici, je me suis senti à l'aise, je me suis senti dans un culte, je me suis senti en présence de Dieu, de par le cantique que nous avons fait monter vers le Seigneur, mais aussi les paroles que nous avons entendues dès l'entrée d'ici. Notre frère nous a lu un passage d'1 Timothée chapitre 1 verset 15 qui nous montre déjà que l'apôtre Paul pouvait dire qu'il pouvait se reconnaître le premier, que Jésus, le premier de pécheurs, que Jésus est mort pour lui, que Jésus est venu pour lui. Quel merveilleux, n'est-ce pas, message pour nous. Quel message de savoir qu'un homme, qui est un homme Dieu, est venu parmi nous. Un Dieu homme est venu habiter avec nous. C'est une grâce, et cela déjà tout l'amour que Dieu nous a manifesté en Christ. Cet après-midi, j'aimerais lire avec vous deux passages. Le premier se trouve dans l'Ancien Testament, dans les livres de Psaume 119. Nous lirons uniquement le verset 105 ou 105. Et puis, notre texte de base sera Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Donc, dans Psaume 119, verset 105, je crois que c'est un texte qui est connu de plusieurs personnes d'entre nous. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Luc chapitre 5, verset 1 à 11, nous lisons: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézaret et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené le barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Voilà la parole de Dieu qui nous a donné ce matin, qui nous donne cet après-midi. Je voulais dire ce matin parce que je prêchais encore ce matin. La parole de Dieu qui nous a donné cet après-midi, la parole de Dieu qui nous montre comment ces hommes, ces pécheurs étaient là, ils pêchaient, ils avaient leur entreprise. Il y a Simon, Pierre, qui avait son entreprise. Il était un associé. Il avait des associés. Ils travaillaient ensemble. Mais c'est difficile. L'histoire qu'ils ont connue, très difficile. Parce que, étant habitués à la mer, ils avaient travaillé toute la nuit. Et ils n'avaient rien eu. En effet, le texte que nous venons de lire s'inscrit d'abord dans un contexte large où nous voyons Jésus en train de travailler. Jésus n'a pas de repos. Il travaille. Il travaille, il guérit des malades. Il y a beaucoup de gens qui le suivent. Et même, il ne peut même pas avoir du repos parce que plusieurs personnes sont guéries. Ainsi, l'histoire se répand partout et tout le monde veut voir Jésus. Ceux qui étaient malades veulent bien le voir, veulent bien le toucher pour être guéris. Et c'est pourquoi il y a un groupe, une foule qui le suit. Et Jésus, si nous lisons le chapitre 4, à partir du verset 38 au 44, nous verrons que Jésus était, à un moment donné, il s'était levé très tôt le matin pour aller prier, pour être en communion avec Dieu, le Père. Il était parti prier dans un lieu désert. Il s'est caché en quelque sorte. Il a un peu quitté les gens. Il a quitté le travail qu'il était en train de faire. Pour un temps, pour se concentrer à la prière, pour être à l'écoute de Dieu le Père, pour parler avec le Seigneur, le Père. Et c'est à ce moment précis que les gens viennent en train de le chercher et ils vont le découvrir. Mais pressé par la foule, il entre dans la barque, il demande à Pierre pour qu'il s'éloigne un peu du bord, qu'il aille un peu loin, et assis dans la barque, il commence à prêcher. Mais quelque chose a retenu mon attention dans ce texte pour ces gens qui le suivaient. Au verset premier, il est dit ceci: comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézaret et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Les gens ici sont à la recherche de Jésus cette fois-là, non pas pour avoir du pain, non pas d'abord pour être guéris, mais ils viennent pour écouter, pour entendre la parole de Dieu. Car en effet, Jésus-Christ prêchait différemment des pharisiens. Et son message n'était pas comme des messages de pharisiens. Parce que vous savez, les pharisiens, ils pouvaient aussi demander même la dîme sur des herbes. Mais Jésus prêchait la parole de Dieu. Il leur montrait comment ils pouvaient être sauvés. Et ici, des gens viennent pour écouter la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu. Et nous avons lu dans le psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est que ces gens venaient pour écouter la parole de Dieu. Ils avaient trouvé en Jésus celui qui expliquait la parole comme il fallait. Mais ils avaient aussi découvert que le message que Jésus enseignait, comme je venais de le dire tout à l'heure, était différent quand même de celui des pharisiens. Et Jésus prêche la parole dans une barque, la barque de Simon-Pierre. Mais quand nous regardons le tableau que Luc nous décrit, ces gens, c'est une barque de gens qui sont à la recherche de la nourriture. Ils sont à la recherche de la vie, de la survie si vous voulez. Mais voilà que fatigués, épuisés, ils sont en train maintenant de laver le filet. Jésus les a trouvés en train de laver leur filet. Je ne sais pas, était-ce pour la prochaine pêche? Je ne sais pas répondre. Est-ce pour retourner à la maison? C'est encore une autre question. Mais toutefois, comme ils étaient de pêcheurs, ils étaient en train de se préparer. Et c'est à ce moment, Jésus se sert de la barque de Pierre, une barque du pêcheur. Mais ce qui m'étonne, ce qui me réjouit, c'est de voir que Pierre était aussi patient. Parce que nous ne connaissons pas combien de temps Jésus avait prêché. Sa prédication avait duré combien de minutes? Est-ce trois quarts d'heure? Un quart d'heure? Je ne sais pas. Mais j'observe une chose, que Pierre était patient. Il a dû patienter. Il a cédé sa barque. La première chose. La deuxième, il a dû patienter. La troisième chose que je discerne dans le texte, c'est qu'à un moment donné, quand Jésus a terminé, Jésus savait que ces gens avaient besoin de poissons. Il connaissait leurs désirs, il connaissait leurs besoins. Et c'est à ce moment précis que Jésus, n'est-ce pas, leur dit, avance en pleine eau. Avance en pleine eau et jette le filet. Curieusement, je vous ai dit que c'était des gens qui connaissaient la mer parce qu'ils avaient une entreprise. Ils avaient une petite entreprise ou petite et moyenne entreprise, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, le texte nous montre qu'ils avaient une entreprise. Ils étaient des associés. Mais à ce moment-là précis, Jésus dit, avance en pleine mer et jette le filet. Pierre obéit, jette le filet et quelle pêche! Le filet est rempli à tel point qu'il s'est rompu. C'est un miracle qui est là. Ils sont en présence du miracle que Jésus vient de faire. Mais lorsque nous regardons encore en profondeur, Pierre appelle les autres, ses associés, pour qu'ils viennent en aide, pour qu'ils viennent tirer le filet. Il ne le fait pas seul. Il appelle les autres. Et ceux-là viennent aussi. Ils tirent le filet. Et deux barques sont remplies de poissons. Parce que Jésus connaissait leurs besoins. Et Jésus a fait ce miracle. Non pas cette fois-là, c'est pas Pierre qui a dit, écoute, Jésus, tu as utilisé ma barque, hein? Tu dois payer. Non, c'est Jésus lui-même qui agit. Mais lorsque nous regardons, la barque est remplie. Mais nous voyons quelque chose de très important. Le verset 8e, c'est la confession de Simon. Il tombe à genoux. Il tombe devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, retire-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Je suis un homme pécheur. Voilà. Le miracle est là. Mais Pierre ne s'aimait pas battre le main pour dire, allez, maintenant j'ai des poissons, c'est fini. On peut aller et notre entreprise bientôt sera prospère. Il tombe à genoux devant le Seigneur. Il revient à lui-même. Il vient se jeter aux pieds du Seigneur. Il le reconnaît en ce Seigneur, le maître. Alors, il avait même quand même il a dit maître, mais il avait dit, sur tes paroles, en quelque sorte. Écoute, hein, nous connaissons la mer, nous avons fait tout ce que nous devions faire, nous n'avons pas eu, mais sur tes paroles, je jette le filet. Mais avec cet acte, il me paraît que c'est à ce moment-ci qu'il reconnaît que Jésus est le Seigneur. Ce Seigneur qui fait de miracles. Ce Seigneur qui fait ce que les autres ne peuvent pas faire. Alors il est à genoux. Il le confesse haut et fort. Retire-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Mais c'est une attitude qui doit aussi nous interpeller, nous, quand nous venons à Jésus, quand nous sommes en présence de lui. Comment est-ce que nous réagissons? Je crois que tout homme, toute femme qui a fait une expérience personnelle de la rencontre avec Jésus, il a reconnu que Jésus était saint. Il a reconnu la sainteté de Jésus. Et il a vu son état de pécheur et il est tombé devant Jésus. Et c'est une expérience, mais c'est aussi le lieu où les textes nous interpellent pour dire, est-ce que nous prions le Seigneur? Est-ce que nous l'avons rencontré? Est-ce que nous avons une relation particulière? Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles je dois louer ce Seigneur? Quelles sont mes motivations lorsque je suis en train de prier, lorsque je suis en présence du Seigneur? Est-ce que je le connais? Est-ce que j'ai eu un moment à le rencontrer personnellement? Bien-aimés, il y a un peu de risque pour les gens qui ont vécu comme moi dans de familles chrétiennes et qui ont vécu dans l'enfance. Vous êtes dans la maison, tout le papa, maman prie, vous trouvez des frères qui sont là-bas, qui prient, et vous risquez seulement d'être là. Vous pouvez aussi être là en train de prier, de faire la même chose, mais sans une rencontre personnelle avec le Seigneur. Mais les textes nous interpellent là. Je crois que personnellement, quoique ayant une longue histoire d'un grand-père pasteur, d'un père pasteur, je ne suis pas devenu pasteur parce qu'ils étaient des pasteurs, mais parce qu'un jour, personnellement d'abord, je me suis donné au Seigneur. Je me suis donné au Seigneur. J'ai vu un jour quelqu'un m'expliquer la parole de Dieu. Et je me suis dit, écoute, c'est vrai, c'est ce que j'ai fait avec des parents, c'est vrai. Mais maintenant, je me donne au Seigneur. Mais c'est plus tard que j'ai répondu aussi à la vocation pour être au service du Seigneur à plein temps. Et c'était à l'université. Alors, bien aimé, quand nous revenons dans ce texte, j'ai dit qu'il y a le danger d'être seulement des gens qui chantent, qui prient avec les autres, mais sans avoir rencontré le Seigneur personnellement. Allons-y avec notre histoire de Pierre, de le miracle là. Il se jette à genoux, il reconnaît le Seigneur Jésus comme Seigneur, il se reconnaît pécheur. Mais regardez, que le miracle a provoqué la foi. Il y a Jean et Jacques. On n'a pas cité André là, mais ils sont ensemble. Ils sont tous à genoux. Ils ont reconnu l'autorité de Jésus, sa souveraineté. Ils ont reconnu sa toute-puissance. Ils ont reconnu sa seigneurie. Et désormais, quelle est l'attitude de Jésus ? Jésus ne les repousse pas, il ne dit pas, écoute, parce que tu es pécheur, allez, va-t'en. Non, Jésus dit, ne crains point. Désormais, tu seras pécheur d'homme. Ne crains point. Et je crois que nous avons lu le texte tout à l'heure d'Ésaïe 44, qui nous montre aussi cette expression, ne crains point. Nous les rencontrons souvent chez les prophètes. Quand Dieu appelle, il y a des tensions. Mais Dieu dit au prophète, ne crains point, je suis avec toi, je serai avec toi. Il a dit à Ésaïe comme ça. Il a dit à Abraham dans Genèse 15, il a dit, ne crains pas, je suis avec toi. Et je crois que c'est ça l'attitude. Quand nous rencontrons le Seigneur, nous pouvons être sûrs qu'il est avec nous, qu'il prend soin de nous, malgré des circonstances, malgré des situations par lesquelles nous pouvons passer. Mais nous pouvons être sûrs d'une chose, le Seigneur est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Mais lorsque nous regardons encore dans ce texte, désormais, tu seras pêcheur d'homme. Et j'avais intitulé mon thème, n'est-ce pas, du pêcheur de poisson au pêcheur d'homme. Et voilà, le métier change. Le lieu même du travail change avec le Seigneur. Leur adresse aussi changeront. Parce qu'ils doivent être maintenant à la suite du Seigneur. Ils doivent le suivre. Ils doivent aller avec lui partout. Donc leur vie est transformée. Quand nous rencontrons le Seigneur, nos vies changent. Changent profondément. Nos habitudes changent. Nos habitudes changent parce que nous avons rencontré celui qui n'agit pas comme nous agissions. Parce que la rencontre avec le Seigneur fait que nous soyons transformés, fait que nous voyons le monde autrement. La vision du monde change avec la rencontre avec Jésus. Quand nous rencontrons Jésus, la vision du monde change aussi. Et notre vision de voir l'autre personne, l'autre, mon prochain, change aussi. Parce que je le verrai ou j'essayerai de le voir comme Jésus le voit, avec le cœur de compassion. Je verrai l'autre pas comme mon ennemi, mais je verrai l'autre comme ami. Je verrai l'autre comme créé à l'image de Dieu. Et cela, n'est-ce pas que le monde, si vous voulez, le monde peut changer en donnant sa vie au Seigneur. Mais bien aimé, quand vous quittez, vous changez de métier, quand vous rencontrez le Seigneur, vous quittez, vous, il y a des amis aussi, vous pouvez changer d'amis parce que vous avez rencontré un ami qui est différent des amis qui vous entraînaient peut-être ailleurs. Alors à ce moment-là, votre vie aussi change et les perspectives aussi peuvent changer. Ici, bien aimé, nous sommes là ensemble, mais il me semble que des vocations deviennent difficiles. Mais quand nous rencontrons le Seigneur, notre vision du monde peut changer. Mes chers amis, je dois vous dire que j'ai eu le temps avec le Seigneur. J'ai discuté avec le Seigneur parce qu'il me voulait à son service. Mais moi, je me disais, écoute, Seigneur, j'ai fait la biologie, hein? Alors je dois... Non, en tout cas, avec un collègue qui était ingénieur, nous nous sommes dit, nous allons essayer de fonder une association, n'est-ce pas, pour aider des pasteurs. Et lui aussi était fils du pasteur comme moi. Nous avons dit, non, nous allons faire quelque chose. En tout cas, nous devons faire quelque chose de telle manière que nous puissions aider des pasteurs. Nous puissions trouver de l'argent pour financer des campagnes d'évangélisation, d'autres choses. Mais le Seigneur ne me voulait pas pour être quelqu'un qui fait d'une association qui finance des pasteurs. Il me disait, non, je te veux toi. Tu dois être là. Je dis, mais mon père, mon grand-père était pasteur. Mon père, il est mort pauvre, c'est ce que je disais. Mon père était pasteur. Mon père est pasteur, il va mourir pauvre à l'époque de ma vocation, de mon appel. Je disais, non, moi je dois faire très bien mes études et faire autre chose. Mais jusqu'au jour où quand le Seigneur m'a parlé encore clairement que non, toi je ne te veux pas pour toutes ces choses-là. Je te veux ici. J'ai changé aussi d'adresse ces jours-là. Vous pouvez aussi changer d'adresse. Vous pouvez changer aussi de métier. Et le Seigneur est capable de le faire. Vous pouvez changer de perspective, mes bien-aimés. Vous pouvez avoir votre diplôme du CL ou bien d'autres facultés, d'autres universités, mais le Seigneur peut vous appeler réellement pour être à sa suite, devenir aussi pêcheur d'hommes. Et le Seigneur est capable. Et lorsque nous regardons ici, ce qui me choque, et ce qui vous a peut-être choqué, c'est qu'ils ont deux poissons, deux barques pleines. Nous ne savons pas combien de mètres cubes. Des scientifiques nous pardonneront, mais ils doivent laisser ces barques, ils doivent laisser ces poissons pour suivre le Seigneur. Bien entendu, il y avait des parents, Zébédée et les autres. Nous ne savons pas ce qu'ils en ont fait, mais nulle part Pierre ne parle de ces poissons encore. Parce que quand nous lisons Pierre, il nous dit, comme des enfants obéissants, maintenant vous devez vous conduire autrement. Vous devez imiter votre Père Céleste, comme il est saint. Vous aussi, vous devez être saint. Alors, il ne parle plus de poissons. Mais bien aimé, ces gens sont devenus des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire des prédicateurs, si vous voulez, des évangélistes. Vous connaissez ça. Mais quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous pouvons voir les traces de ces pêcheurs d'hommes, de ces pêcheurs de poissons devenus pêcheurs d'hommes. La première prédication, il y a eu plusieurs personnes qui se sont converties avec Simon. Voilà ce que Jésus lui disait. Tu vas devenir pêcheur d'hommes désormais. Quand le Seigneur nous appelle, quand nous rencontrons le Seigneur, nous devons changer. Mais je m'en vais terminer par montrer que la rencontre avec Jésus ne nous laisse pas comme nous étions. Nous ne pouvons pas rester tels que nous étions. La rencontre avec le Seigneur est une rencontre qui nous transforme. Est une rencontre qui change nos vies. Mais pour y arriver, si nous regardons encore davantage dans le texte avec Pierre, avec Simon, nous pouvons voir que quand Dieu ou quand Jésus fait le miracle, il le fait pas pour faire le miracle, mais il le fait dans le but bien précis. Et le but du miracle, c'est pour que les gens se tournent vers celui qui a produit ces miracles-là, celui qui a fait le miracle. Et c'est ce que nous voyons dans le texte. Nous voyons que le miracle, ce n'était pas pour que les gens sautent seulement. Il y a eu miracle, il y a eu ceci, mais pour que le gens se tournent au Seigneur. Et lorsqu'il y a un miracle, quand nous regardons dans le texte, un autre élément, c'est que la bénédiction du Seigneur sur nous n'est pas seulement une bénédiction qui reste dans une seule personne, mais c'est une bénédiction qui s'étend à d'autres. Quand le Seigneur me bénit, il bénit aussi mon entourage. Il ne bénit pas seulement moi. Et c'est ce que nous voyons ici. Tous, ils étaient là. Jésus s'est servi de la barque de Simon. Mais Simon n'a pas dit, écoutez, cette fois-là, je suis patron, et écoutez les associés, pour ce poisson, ce n'est pas pour vous. Mais c'est dans les deux barques. Donc c'est tout le monde qui est béni. C'est tout le monde autour de Simon qui reçoit cette bénédiction. Mais lorsque nous regardons profondément toujours dans la vie de Simon, nous voyons qu'il a fallu, pour qu'il y ait miracle, il a fallu que Simon soit flexible et obéissant. Simon n'a pas été rigide. Il n'a pas dit, écoutez, mon temps, Jésus, mon temps est précieux. Je sais que les Anglais disent que le temps, c'est de l'argent. Mais dans cette circonstance, Simon n'a pas dit, écoutez, Jésus, j'en ai assez, je dois partir, j'ai tel programme, il y a ça, et je dois faire ceci. Mais je vous ai dit qu'il avait été patient. Et voilà, le miracle s'est produit parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté d'être patient, qui a accepté de céder un peu de son temps. Mais aussi parce qu'il a cédé sa barque. Il a cédé sa barque à Jésus. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette bénédiction, il y a ce miracle. Donc quelque part, dans notre vie, si nous voulons voir le Seigneur à l'œuvre, nous devons commencer par les commencements. D'abord, lui ouvrir notre cœur. Parce que nous disons en Apocalypse, chapitre 3, verset 20, Jésus dit, voici, je maintiens la porte et je frappe. Il n'entre pas dans le cœur de n'importe quelle façon. Il veut que nous lui ouvrions d'abord le cœur. Et quand Jésus habite en nous, le cœur ici, il faut comprendre aussi, hein, c'est pas cet organe qui propulse le sang. Ici, le cœur, c'est pour dire quand il prend possession dans notre vie, quand nous l'acceptons, quand nous croyons en lui, quand vraiment il vient, nous savons qu'il est avec nous par son Esprit Saint. Il habite en moi. Alors, à ce moment-là, tout change. Et vous comprendrez qu'il y a lieu de changer. Même ceux qui ont de vie, je ne sais pas, de n'importe une mauvaise vie de n'importe quelle manière, mais en venant au Seigneur par son Esprit Saint, l'Esprit qu'il met encore à nous, c'est une grâce et nos vies changent. Pas par nos propres efforts, encore par lui. Il agit, il œuvre par son Esprit Saint, mais en méditant la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce que nous devons faire, c'est de l'aimer, de méditer la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de la partager avec les autres, et Dieu œuvrera davantage en écoutant cette parole. Voilà, bien-aimés, je ne voudrais pas multiplier de vaines paroles, mais quand Jésus vient à nous, il amène, comme nous avons chanté, sa lumière à nous. Il amène sa victoire. Il nous amène la liberté. Et désormais, nous pouvons poser les pieds dans l'empreinte de son pied. Et c'est à ce moment-là que nous aurons du succès. Quand nous reconnaissons notre petitesse devant lui, et lorsque nous nous abandonnons à lui, il va agir certainement. Prions le Seigneur. Merci notre Père Céleste et notre Dieu pour ta parole. Merci pour la grâce que nous avons dans ce pays de nous réunir et de partager ta parole. Merci pour la liberté que tu nous donnes d'être avec toi, de nous approcher de toi et de savoir que nous avons du prix devant toi. Merci pour toutes sortes de bénédictions que nous avons dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et merci de nous avoir visités cet après-midi. Bénis-nous, Seigneur, par Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.